TKRL. Aujourd'hui, à l'émission Le Grain de Sable d'Attaque Québec, en ce samedi 21 septembre 2013, nous vous présentons un entretien avec le sociologue Pierre Moutarde en première partie d'émission, puis nous ferons un peu de prospective sur les mois à venir avec Dans les enjeux d'Attaque Québec, avec son président Claude Vaillancourt en seconde partie d'émission. Bonjour à tous, c'est Michel Monnette qui vous parle en ce samedi 21 septembre. Le Grain de Sable, c'est de la musique engagée, c'est votre magazine socio-économique. On parle de ce qui se passe ici, mais aussi d'ailleurs. Tout ceci est réalisé par le collectif radio des membres de l'Association québécoise pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne Attaque Québec. Donc, je disais qu'on débute avec Pierre Moutarde dans un premier temps. Pierre, si vous avez écouté l'émission la semaine passée, Pierre, une fois par mois, va nous parler d'un sujet en lien avec l'Amérique latine. Je ne vous dis pas tout de suite ce que c'est cette semaine, mais c'est en rapport avec un certain 11 septembre, l'autre 11 septembre. On écoute d'abord Soledad Bravo dans la chanson Punto y Raya. Entre tu pueblo y mi pueblo hay un punto y una raya. Entre tu pueblo y mi pueblo hay un punto y una raya. La raya dice no hay paz, el punto vía cerrada. La raya dice no hay paz, el punto vía cerrada. Soledad Bravo dans la chanson Punto y Raya, et c'est tiré de la compilation, une belle compilation. Si vous cherchez des chants révolutionnaires, que vous voulez avoir des chants révolutionnaires dans votre discothèque personnelle, je vous la recommande. C'est Cantos Revolucionarios de América Latina. Donc, comme je vous disais, nous allons nous entretenir avec Pierre Moutarde. Pierre Moutarde possède une maîtrise en philosophie et un doctorat en sociologie.

Une belle journée de printemps à Berlin, un beau matin pour prendre le train, à parcourir les avenues, les boulevards, les coins de rue. Tiergarten, pour moi, bah, c'est ça, ça représente tous les deux ensemble. Justement, un chapitre moins le fun. C'est vraiment une des plus belles chansons qu'il y a sur ce disque-là. Puis c'est vraiment une des belles chansons que j'ai entendues depuis longtemps. Car c'est à Tiergarten, à Tiergarten, que j'ai perdu ton amour à jamais. Cœur à cœur, Andrea Lindsay et Luc de la Rochelière à Sentier Secret, mardi 24 septembre à 10h. Vous écoutez CKRL 89.1 à Québec. Nous sommes de retour. Vous écoutez le grain de sable d'Attaque Québec sur les ondes de CKRL 89.1. N'oubliez pas que vous pouvez en tout temps devenir membre de CKRL et aussi faire un don en ligne en vous rendant sur notre site web www.ckrl.qc.ca. Merci de nous soutenir. Et je suis accompagné de Claude Vaillancourt au téléphone. Claude Vaillancourt, bonjour. Oui, bonjour Michel. Passez un bel été. Ah oui, oui. Et oui. Toi? Oui, tout à fait, oui. Ça a été un été un peu compliqué, mais ça va. Oui, ça c'est va. Vrai. Alors Claude, vous n'êtes pas que président d'Attaque Québec. Faut peut-être laisser bon de le souligner au passage. Vous êtes aussi romancier. Nouvelliste et essayiste. Vous venez d'ailleurs de publier, un ouvrage d'ailleurs, Claude. Oui. Qui s'intitule? Différence et contrôle social, le syndrome de Pocus. Ah oui? Ouais. OK, on pourra peut-être en reparler une bonne fois. Oui. Vous avez écrit plus d'une centaine d'articles aussi dans de nombreux journaux et revues portant sur la politique, la société, l'économie, la culture. Vous êtes membre du comité de coordination de la revue Ababar et vous tenez aussi un blog sur le site du journal des Alternatives. Oui. On mettra un lien sur notre blog, d'ailleurs, vers votre propre blog. Alors, commençons, si vous voulez bien, par les paradis fiscaux. Ce qu'on va faire aujourd'hui, je l'ai dit tantôt, je le répète, c'est qu'on va faire un peu de prospective pour l'année, là, 2013-2014, la saison, pardon, 2013, les mois qui s'en viennent, quoi. On va faire un peu de prospective à partir des trois enjeux qui préoccupent Attaque Québec. Alors, commençons par les paradis fiscaux. Dans un communiqué émis le 5 septembre dernier, à la veille du G20, le groupe Échec aux paradis fiscaux, dont fait partie Attaque Québec, a demandé au premier ministre Harper d'appuyer la mesure contre les paradis fiscaux du G20 prévoyant de nouvelles règles d'échange automatique de données fiscales sur des entreprises et des particuliers. Où ça en est? Oui, bien, on sait que le gouvernement Harper n'est pas trop chaud pour cette question de disons, contrôler les paradis fiscaux. Mais il semble-t-il qu'il a vraiment appuyé cette idée d'échange automatique de renseignements parce que sur le communiqué final du G20, eh bien, on a vu que cette demande est bel et bien inscrite. Ça veut dire qu'on va vraiment aller là-dedans, ce qui est intéressant parce que, bien sûr, ça va limiter le secret bancaire, puis ça va permettre aux enquêteurs d'avoir accès à ce qui se cache finalement dans les paradis fiscaux. Maintenant, on peut se demander est-ce que c'est suffisant. L'évitement fiscal ne semble pas vraiment atteint, c'est-à-dire toute cette possibilité pour les entreprises de sortir de l'argent du pays, de le cacher dans les paradis fiscaux. En tout cas, faut pas trop se plaindre, c'est quand même une avancée positive, mais on voudrait que quand même ça aille beaucoup plus loin que ça. Ça va plus loin en Europe, hein, c'est ça? Ben, en Europe, c'est-à-dire qu'on l'a laissé encore, le G20 a laissé aux soins de l'OCDE, donc cette organisation internationale de pays riches, de toujours s'occuper de cette question-là. Puis c'est ça qui nous inquiète, c'est que l'OCDE n'a jamais été très, très efficace. Donc, dans quelle mesure on va avancer? Ben, il y a quand même une vraie avancée, là. Faut pas être trop capricieux. Ouais. Donc, mais on va voir, évidemment, ce que ça va donner, là, dans l'année en cours, dans les prochaines années. Oui, la difficulté dans ce dossier, si je comprends bien, c'est qu'il faut que tous les pays se mettent d'accord, parce qu'il suffit que quelques pays ne veuillent pas jouer le jeu, et puis, bon, en effet, là, les entreprises peuvent profiter d'un pays ou de l'autre, finalement, pour faire des raisons fiscales. Oui, c'est ça, oui. Ben, en fait, faudrait aussi, la question qui est très importante, c'est qu'il faudrait enlever tous les moyens de faire des fuites fiscales qui sont ouvertes actuellement aux grandes entreprises, aux individus. Il faudrait surtout s'attaquer aux entreprises, parce que des grosses multinationales comme Google, par exemple, comme Apple, comme Amazon, comme Starbucks profite énormément, ils payent pas d'impôts dans aucun pays finalement, tellement cette toile de paradis fiscaux leur donnent tout le temps des moyens d'échapper. Puis c'est des fortunes quand même qui sont assez considérables. Puis dans des temps où tout le monde se serre la ceinture, ben on se dit qu'il est temps d'intervenir. Donc, est-ce qu'on va être efficace pour ça dans l'année en cours, dans les prochaines années en cours? Ben, c'est vraiment une question qu'on est tout à fait en droit de se poser. Il faut voter pour des gouvernements qui vont vouloir aller dans ce sens-là. Oui, oui. Venons-en à la taxe sur les transactions financières. Ça, c'est le deuxième enjeu qui préoccupe beaucoup. C'est même au cœur, si on veut, de la raison d'être d'Attaque Québec. On se dit au printemps dernier qu'il y avait certaines avancées. Est-ce qu'on peut demeurer optimiste pour les mois à venir? Ben là, actuellement, tous les regards sont braqués sur l'Europe. Parce qu'on sait qu'il y a à peu près plus qu'une dizaine de pays d'Europe qui veulent vraiment mettre sur pied cette taxe-là. Et ce dont on s'est rendu compte, c'est que là, les adversaires de la taxe se sont montrés leur vrai visage, comme par exemple la revue The Economist, puis plusieurs économistes de droite ont démontré une fois de plus de toutes sortes de façons que cette taxe-là est inapplicable, et pas faisable et nuisible. Ils ont fait des propos qui se sont même retrouvés dans Le Devoir ici, c'est pour dire. Donc il y a vraiment, une tentative de s'attaquer à cette taxe, mais l'enjeu, c'est ça, comme je disais, l'enjeu est en Europe, c'est que les deux derniers pays qui ont exercé la présidence du Conseil européen, c'était des pays qui étaient contre cette taxe-là. C'est plus spécifiquement l'Irlande et la Lituanie. Or, on sait que le prochain pays qui va occuper cette présidence, c'est la Grèce, hein, qui est un pays qui a tout à fait intérêt à ce que cette taxe se mette en place. Donc, est-ce que ça va accélérer les choses? Est-ce que ça va aller plus loin? Ben, on l'espère. Et aussi, l'idée, c'est que si l'Europe adopte cette taxe, les pays européens l'adoptent, et que c'est efficace et que c'est bon, ben, ce qu'on espère, c'est que ça va avoir un effet d'entraînement. Et autre nouvelle quand même assez intéressante, c'est que l'Italie, tout seul, juste l'Italie, a décidé de mettre sur place une taxe sur les transactions financières qui concerne les produits dérivés. Donc, une taxe sur les produits dérivés. Ça montre qu'un seul pays peut le faire. Évidemment, les résultats sont à suivre. Si, encore une fois, l'Italie remporte un beau succès, mais ça aussi, ça va avoir un effet d'entraînement. Bien, souhaitons-le. Là, le troisième enjeu d'Attaque Québec est vraiment, on a l'impression d'être devant un hydre à 100 têtes. Là. C'est les fameux accords de libre-échange. Évidemment, on s'intéresse beaucoup à l'accord de libre-échange avec l'Europe. Peut-être qu'on pourrait d'abord en parler, mais ensuite, il y a d'autres accords de libre-échange qui nous préoccupent. Oui, tout à fait. Commençons par l'Europe. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'en vient? C'est drôle, on dirait que ça stagne, ça n'avance pas. Oui, mais là, on a pu voir ce matin et hier dans les journaux que des avancées en ce qui concerne l'agriculture, c'est-à-dire que le Canada va pouvoir exporter un peu de bœuf et un peu de porc. Semble-t-il, c'est vraiment pas une ouverture très grande, là, mais de toute façon, nous, on dit que le bœuf et le porc canadien devraient rester ici. Les Européens en ont assez pour se nourrir, là. Mais tout ça pour dire que il y a certaines avancées, mais il reste des blocages encore dans des secteurs assez importants comme les services financiers, comme les services publics aussi, plus spécifiquement là, la question des appels d'offres. Donc, tout ça, c'est pas encore réglé. On nous annonce, on joue tout le temps en nous cachant des choses, puis en nous annonçant des choses. Là, on dit qu'il y a des avancées, mais finalement, il faut pas s'attendre à ce que l'accord soit annoncé tout de suite. Donc, c'est assez difficile. On sait que les négociations sont extrêmement difficiles, parce que les enjeux sont très, très élevés. Il y a toutes sortes de lobbies qui s'affrontent. Et moi, je pense que le gouvernement aussi a peur d'aller devant la population avec un accord qui n'est pas à son avantage. Donc, c'est toutes ces conditions-là qui fait que les négociations, effectivement, s'enfoncent. Là, ça ne va pas très bien pour eux. Et on est toujours dans l'expectative. Est-ce qu'il y a est-ce que le front de lutte est en Europe, s'active? On avait toujours l'impression qu'il y avait une certaine retenue de la part des... Europe, disons, pour les Européens, le Canada, c'est pas un acteur majeur. Donc, c'est vraiment négligeable. Mais par contre, ce dont les Européens se sont rendus compte, c'est que là, ils sont en train de négocier un accord avec les États-Unis. Et l'accord avec les États-Unis puis celui avec le Canada risque d'être à peu près la même chose. Donc, toucher les mêmes secteurs, l'économie canadienne et américaine sont tellement intégrées que les demandes risquent d'être les mêmes de part et d'autre. Et là, ça commence à réveiller le mouvement social européen. On commence à voir un danger là, nettement plus grand. Et nos camarades européens ont tendance parfois à cette fois-ci, s'intéresser à l'accord avec le Canada parce que ça leur donne une idée de ce qui va être négocié. Donc, je pense qu'il y a une plus grande sensibilisation, mais il y a encore énormément de travail qui est à faire. Oui. Il y a un accord sur le commerce des services actuellement qui est en mouvement, là, si j'ai bien compris. Oui. Ça se fait entre pays membres de l'OMC. On avait l'impression que l'OMC s'était comme endormi, que le cycle de Doha qui aboutissait nulle part, ben finalement faisait que l'OMC n'avançait plus. Mais il y a quand même un groupe de pays qui s'est appelé, alors pour tenir ce nom-là, c'est vraiment quelque chose, un groupe qui s'appelle les vrais bons amis des services. Aïe, aïe, aïe. Alors, les vrais bons amis des services se sont mis ensemble et ce qu'ils ont voulu faire, c'est un accord sur les services. Donc, ça veut dire la libéralisation de tout ce qui est service. Ça peut aller de l'éducation, de la santé, des transports, tout ce que vous voulez. Et c'est un vieux projet de l'OMC parce qu'avant, il y avait un accord général sur le commerce des services qui visait à faire tout ça. Puis, ATTAC s'est opposé fermement à ça. Ce qui est nouveau, c'est comme si on dit on n'arrivera pas à le faire tout le monde ensemble. Ben, on va se réunir une petite gang puis on va le faire. Sauf que la petite gang est de plus en plus nombreuse. Ça risque d'être un accord de dimension assez impressionnante. Et aussi, ce qui est inquiétant, c'est que le Canada, c'est un des principaux joueurs là-dedans. C'est un des pays qui pousse le plus à ce que cet accord-là se fasse. Alors, c'est extrêmement inquiétant parce que, bien sûr, c'est une menace contre nos services publics. On a vu dans le temps de la GCS qu'il y avait une vraie volonté de libéraliser des secteurs comme la santé et l'éducation. Donc, jusqu'où ça peut aller, ben, c'est vraiment, encore une fois, quelque chose qui est à suivre. Ben, à surveiller de très près. Une dernière question, puis on parlait tantôt de petites gangs de clubs, finalement, de pays qui se réunissent pour négocier. Il y a aussi le partenariat transpacifique. Oui, comme si ce n'était pas assez. Oui, c'est ça. Le partenariat transpacifique, c'est 12 ou 13 pays de la zone du Pacifique. Et ce qui est particulier de cet accord-là, c'est que c'est une espèce d'accord multilatéral, donc parce qu'il y a plusieurs pays, entre pays riches et pays pauvres. Donc, ça va avoir des conséquences assez grandes, surtout sur les pays pauvres. Comme par exemple, un des enjeux les plus importants de cet accord-là, c'est de prolonger les brevets pharmaceutiques. Et ça, dans les pays qui consomment énormément de médicaments génériques parce que ça coûte moins cher, c'est tout ce qu'ils peuvent se payer, eh bien, ça risque d'être absolument terrible pour la santé des gens. Ça peut causer ni plus ni moins que des catastrophes. Et on se demande qu'est-ce que c'est que le niveau de conscience sociale des grandes compagnies pharmaceutiques qui osent vouloir prolonger leurs brevets pharmaceutiques alors qu'elles sont déjà extrêmement profitables, elles sont riches à craquer. Donc, il semble qu'elles en ont jamais assez et il y a tout un mouvement dans les différents pays qui sont touchés par ce partenariat transpacifique qui s'organise contre cette mesure. Et ça, c'est un aspect parmi tant d'autres de cet accord qui ressemble comme deux gouttes d'eau là à l'accord entre le Canada et l'Union européenne. Oui, effectivement, parce que la question de la propriété intellectuelle touche aussi à toute la question de la liberté de s'exprimer sur Internet. On sait qu'il y a beaucoup de groupes qui s'activent présentement contre l'accord. Oui, tout à fait. C'est très juste. Aussi bien l'accord avec l'Europe que l'accord transpacifique, c'est toujours cette idée que il y a un beau paradoxe là-dedans, c'est que les défenseurs du libre-échange parlent de liberté, de libéralisation. Mais quand ça fait leur affaire de réglementer puis de resserrer les lois, ben c'est ce qu'ils demandent. C'est ce qu'ils demandent aussi bien dans le secteur de l'informatique que dans le secteur de la santé. Alors, c'est tout à fait contraire à l'esprit du libre-échange, mais quand il y a des intérêts économiques extrêmement élevés, eh bien, on va y aller. Donc, c'est pas une question de libre-échange, mais c'est vraiment une question de profit des multinationales. Un point, c'est tout. Tout à fait. Tout à fait. Finalement, c'est la liberté de comment dire, rémunérer les actionnaires et aussi les dirigeants de ces très grandes entreprises. Oui, exactement. C'est tout à fait ça. Ouais. Merci beaucoup, Claude. On va surveiller tout ça dans les prochains mois. On va sûrement avoir l'occasion d'en reparler. Vous avez un éditorial, encore une fois, cette année, sauf qu'il va être à toutes les deux semaines. Oui, tout à fait. Alors, oui. Donc, on va vous écouter avec plaisir à compter du début du mois prochain. Oui, ben merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Voilà, c'était Claude Vaillancourt, Claude qui est président d'ATTAC Québec. On écoute la pièce Numb, N-U-M-B. C'est tiré de l'album Luxury Problems. Un peu en lien avec ce dont on vient de discuter. C'est Andy Scott qui a composé cette pièce. Nous sommes aux événements à surveiller cette semaine. Ça, c'est grâce au calendrier média de la démocratie en action. Et la démocratie, c'est vous. C'est produit par le réseau du Forum social de Québec Chaudière-Appalaches. C'est au www.réseauforum en un seul mot et au singulier réseauforum.org /grille trait d'union calendrier. Aujourd'hui, ce samedi 21 septembre, c'est le Bicycle Film Festival, ça c'est à l'Impérial de Québec, c'est au 252 rue Saint-Joseph, sur la rue Saint-Joseph. Après New York, Sydney, Mexico, Québec reçoit le Bicycle Film Festival pour la première fois. C'est 40 films dédiés aux vidéos, aux vélos, 5 heures de projection, des animations sur la rue Saint-Joseph. Donc c'est pas seulement un événement cinématographique, c'est ce festival international venu directement de New York. Ça célèbre la culture cycliste et la passion du vélo à travers la musique, l'art et bien sûr le cinéma. C'est une première édition que les organisateurs promettent d'être inoubliable. Vous pouvez avoir un aperçu de l'événement en visitant bicyclefilmfestival en un seul mot.com. Et c'est dans le cadre de la Semaine des transports collectifs et actifs, c'est la 22e édition de cette Semaine des transports collectifs et actifs, qui se termine demain. C'est aussi une journée de la paix aujourd'hui, rencontre alliant art et réflexion. Ça, c'est à compter de 4h jusqu'à 18h. L'association Créateur de paix nous invite à célébrer la journée internationale de la paix lors d'une rencontre alliant l'art, art et réflexion au Camailleux, Café Boutique, École et Galerie d'art située au 11 René Lévesque Ouest à Québec. Ça, c'est entre Salaberry et Cartier pour se situer. Il y a aussi, toujours le 21 septembre à compter de 17h, la soirée pour Ibrahim, la solidarité, c'est magique. Ça, c'est au Tam Tam Café au 421 boulevard Langelier à Québec. Après un printemps fort en émotions, nous avions envie de nous retrouver à nouveau avec Ibrahim pour célébrer, pour vous remercier de votre appui lors d'une soirée 5 à 7. Il va y avoir des surprises, en fait, toutes sortes de choses qui vont se produire, même du maquillage, de la musique et plus encore. Ibrahim Soumahoro, c'est cet homme d'origine ivoirienne qui vit à Québec depuis 2008. Il a obtenu un sursis, rappelons qu'il devait être expulsé en avril dernier par le ministère fédéral de l'immigration. Son avocat a réussi à obtenir un certificat de sélection du Québec pour son client sur la base de son métier. Il est entraîneur à l'école de cirque de Québec. Ça, c'est pas très loin d'ici, des studios de CKRL. 22 septembre, c'est la dernière journée sans voiture. C'est l'occasion, c'est la dernière de la semaine des transports collectifs et actifs, c'est la journée sans voiture. C'est l'occasion par excellence pour essayer les modes de transport tels que la marche, le vélo, l'autobus, le covoiturage. Il s'agit d'une journée internationale. La ville de Québec et de Lévis participent à nouveau à cette journée. Alors, les citoyens de Québec et de Lévis pourront profiter, parce que c'est demain, pourront profiter du transport en commun gratuit sur les services du RTC et de la ST Lévis et du traversier Québec-Lévis. Laissez-vous surprendre par les animations qui auront lieu à bord de certains autobus ainsi que sur divers parcours et profitez de rabais chez nos commerces participants. 23 septembre, le prix des mots, mine et poursuite Bayon. Ça, c'est à la salle polyvalente Bibliothèque Gabriel Roy. Ça, c'est une projection. C'est le thriller documentaire du cinéaste Julien Fréchette. Le prix des mots relate l'escalade des procédures juridiques entourant les procès qui opposent les compagnies minières canadiennes Barrick Gold et Bunro à l'auteur Alain Deneau, ses collaborateurs et les éditions Éco-Société. Après la sortie du Livre noir Canada en 2008. Alors, l'animation de lundi à 18h30 va être assurée par André Bellil, qui est président de la QLPA, qui a été le premier groupe québécois à se lever pour lutter contre une telle tentative d'intimidation, car lui-même a été victime d'une poursuite de 5 millions de dollars en 2005. Imaginez. Il va y avoir d'autres projections, mais sans animation, cette fois-ci, mardi le 24 septembre à 14h, le 25 septembre à 18h30 et le 26 septembre à 14h. Donc ça, c'est à la bibliothèque Gabriel Leroy. C'est au troisième étage à la salle polyvalente. Le 24 septembre, lancement des états généraux du mouvement communautaire autonome. Beaucoup de choses, donc, cette semaine, dans la semaine qui vient. Ça, c'est au Parc Victoria à Québec, sur la rue Cardinal Maurice-Roy. Il y a stationnement près du stade, pour si vous vous rendez en voiture, mais il faut qu'il rentre en autobus aussi, en transport actif. Organisé par la Coalition des tables régionales d'organismes communautaires, la CETROC, les états généraux du mouvement communautaire autonome sont une démarche de consultation participative portant sur la réalité du mouvement au Québec. Celui-ci regroupe des milliers d'organismes et existe depuis plus de 50 ans au Québec. Sous le titre « À la croisée des chemins », quel avenir pour les organismes communautaires autonomes? Cette démarche portera un regard sur l'histoire et la réalité actuelle du mouvement communautaire, permettra de dégager des propositions d'action. Donc, si vous aussi ça vous intéresse, vous vous rendez le 24 septembre à 13h au Parc Victoria, à Québec, évidemment. Le 25 septembre à 19h, santé mentale au-delà d'une biologisation réductrice, ça fait partie des soirées Relations. Vous savez, la revue Relations, cette revue qu'on lit toujours avec beaucoup d'intérêt. Ça, c'est au Tam Tam Café, encore une fois, c'est au 421 boulevard d'Angélie à Québec. Alors, il va y avoir Éric Gagnon, sociologue et chercheur au C3S de la Vieille Capitale, Doris Provencher, directrice générale de l'Association des groupes d'intervention en défense des droits de santé mentale du Québec, Annie Tremblay, psychiatre à l'Hôtel Dieu de Québec et professeur à la faculté de médecine de l'Université Laval. Dans nos sociétés contemporaines, la santé mentale est de plus en plus traitée comme si elle revêt de facteurs strictement biologiques ou individuels. Pourtant, l'influence des dynamiques sociales et des considérations existentielles, notamment en ce qui concerne la question du suicide, est bien documentée. Devant cette tendance à la biologisation de l'existence, il y a lieu de se demander: a-t-il des causes sociétales et structurelles au mal-être contemporain comme la dépression et l'épuisement professionnel? Pourquoi la médicalisation est-elle une tendance dominante dans nos sociétés? On se le demande, n'est-ce pas? Quel rôle joue la spiritualité et la religion sur la santé mentale? Donc, c'est au Tam Tam Café, le 25 septembre, à compter de 19h. Il y a aussi le 25 septembre, toujours le 25 septembre, diversité des identités et orientations sexuelles, c'est à 19h aussi, c'est au 435 rue du Roi, au deuxième étage à Québec. C'est un cercle citoyen organisé par Québec solidaire Tachereau, mais tout citoyen, pas nécessaire d'être membre de Québec solidaire pour y aller, tout citoyen peut s'y rendre, donc, je l'ai dit, c'est sur le thème de la diversité des identités et orientations sexuelles. 27 septembre, journée de la culture, je le mentionne enfin, parce que c'est du 27 au 29 septembre, journée de la culture, activité partout au Québec. Près de 300 activités culturelles vont se dérouler dans la capitale nationale au cours des Journées de la culture. Le thème cette année, défendre la culture en tout lieu pour cette 17e édition. Et si, comme moi, vous avez suivi la commission parlementaire sur le prix du livre, vous êtes sensibilisé au fait qu'il faut effectivement défendre notre culture. Voilà, c'est tout, c'est la fin pour cette semaine. Merci à notre invité Pierre Moutarde. Merci également au président d'Attaque Québec, Claude Vaillancourt. Je vous rappelle que les enregistrements de l'émission sont disponibles sur le site de CKRL 89.1. Vous cherchez dans la programmation le nom de notre émission, Le Grain de Sable, et vous aurez de l'accès à la page où sont archivés les derniers enregistrements. Ils sont aussi disponibles, ces enregistrements, sur le site d'Attaque Québec, www.québec.attaque.org, où vous trouverez tous les détails de nos diverses campagnes et sur la façon de devenir membre d'Attaque Québec. Enfin, vous pouvez retrouver les enregistrements sur notre blog, legraindesable.qc.org, où vous trouverez aussi divers liens Internet de ce dont nous avons parlé aujourd'hui. Nous avons une page Facebook. Cherchez-y, allez dans Facebook, cherchez Le Grain de Sable sur CKRL. Nous avons aussi un compte Twitter, Grain de sable QC en un seul mot, grain de sable QC en un seul mot. Réagissez-y, ça nous fera grandement plaisir de vous lire. Nous avons mis un lien pour vous y rendre sur notre blog si vous n'avez pas retenu l'adresse. Attaque Québec veut aussi dire Association québécoise pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne. Écrivez-nous vos commentaires, suggestions, opinions à l'adresse courriel suivante, legraindesable@yahoo.com. C'est nouveau, cette adresse, legraindesable en un seul mot, @yahoo.com ou directement sur notre blog. On se retrouve samedi prochain à compter de 13h pour une nouvelle édition du Grain de sable d'État Québec. C'est votre animatrice Michèle Monette qui vous souhaite de passer d'ici là une belle semaine. Demeurez avec nous pour l'émission qui suit sur les ondes de CKRL, la radio qui cultive vos goûts. À bientôt, chers auditeurs. Téléchargez Le Grain de sable sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes. Poil et Plume, une animalerie sympathique et professionnelle pour prendre soin de vos animaux grands ou petits avec de la nourriture de qualité et des accessoires originales et durables. Poil et Plume, si la santé de vos animaux vous tient à cœur et que vous les aimez comme on les aime. Poil et Plume, situé au 569 3e Avenue à Limoilou et au 597 rue Richelieu. Livraison gratuite les mardis et jeudis soirs. Devenez amis de notre page Facebook et profitez de nos judicieux conseils. Poil et Plume, 418 977 2391. Regarde la mère comme elle est contente. Regarde comme elle rit avec ses petites dents blanches. Je veux léguer la mère à mon fils. Lui donner l'orgueil de sa lignée. La mère ne change pas. Elle était là bien avant nous. Et bien avant moi. Le Théâtre Sortie de Secours de Québec, le Théâtre de la Vieille 17 d'Ottawa et le Théâtre du Nouvel Ontario de Sudbury vous présentent la pièce Quand la mer, un texte d'Esther Beauchemin, mise en scène par Philippe Soldevilla, au Théâtre Périscope du 17 septembre au 5 octobre. Un spectacle unique en son genre, de l'improvisation théâtrale avec un allié de taille, le dessin. C'est l'Impro BD. À la Ligue québécoise d'impro BD, auteurs de bandes dessinées et comédiens s'unissent pour offrir une soirée haute en couleurs. Lundi 14 octobre, 20h au Cercle, bleu contre orange, entrée libre. Les soirées de la Ligue québécoise d'impro BD sont présentées en partenariat avec le Cercle et CKRL. Dessin, jeux, musique, un événement hors du commun. Lorsque l'été est terminé, qu'il emmène avec lui la lime framboise, tous les palmiers, tous les bananiers... Ça signifie que l'automne est arrivé. Et avec lui, la bonne cuivrée au thé. Yeah! Rétessant! Cuivrée au thé! Hey! Cuivrée au thé! Well, Jack, wonderful. Ah, cuivrée au thé. Disponible dans tous les bons points de vente, ouais. Oh, yeah. La cuivrée. Oui, c'est la Barberie. Ouais, disponible dès cet automne. Surveillez notre page web Facebook, hein? Voix aux multiples couleurs et instruments d'époque. La musique ancienne, un foisonnement de sonorités. Continuo, un rendez-vous avec l'émotion. Le dimanche, de 9h à midi, à CKRL, une invitation de Denis Grenier.